Qu'est-ce que tu emportes, Marion, pour les vacances en Suisse ? C'est l'été, il va faire chaud, alors il faut des t-shirts et des shorts, bien sûr. Oui. Et un maillot de bain ? Bah oui, pour les baignades dans les lacs. Tiens, regarde, Clara, j'ai une checklist. Ah, super ! Merci ! Tu vois, il faut aussi des vêtements chauds. Ah oui, c'est vrai. Il peut faire froid à la montagne en été. Oui. Moi, je prends un pantalon et une veste polaire. Ah, moi, je n'ai pas de veste polaire. Mais j'ai un pull chaud ou alors une doudoune. Qu'est-ce que je prends ? Les deux. Et tu as des chaussures de marche ? Non, mais je vais prendre des baskets. Et des sandales aussi. Mais à la montagne, il faut des chaussures de marche, Clara. Ah oui, tu as raison. J'ai besoin d'acheter des chaussures de randonnée. Et j'ai besoin d'un coupe-vent aussi. Je n'ai pas de vêtements de pluie. Je vais aller au magasin de sport. Et pour les balades, il faut prendre un chapeau, une gourde, de la crème solaire. Oui, j'ai tout ça.